Salut, moi c'est Bertrand, Bertrand Kiel. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend d'autant plus. Oh, c'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dominique Lebrun, écrivain de Marine, est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est de la conquête du pôle Nord qu'est aujourd'hui venu nous parler Dominique Lebrun. Il est l'auteur chez Omnibus d'un volume intitulé « Arctique, l'histoire secrète ». Et j'imagine que vous allez nous parler de l'amiral Robert Edwin Peary. Eh oui, bien sûr, mais aussi de son rival, on pourrait dire en l'occurrence de son challenger, Frédéric Cook. Et puis, comme tous les vendredis, nous terminerons l'émission par le coup de cœur de la semaine. Pour le moment, nous avons donc rendez-vous à Cap York, nous sommes en plein Groenland. Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Que nous étions en plein Groenland. Nous sommes au nord-ouest du Groenland. Hein. Cap York, c'est tout à fait au nord-ouest. Et c'est le printemps 1908. Des Inuits sont en train de charger un navire, le Roosevelt, trois mâts de 60 mètres, bâti pour résister aux conditions polaires. Un homme mûr, à grande moustache, est là qui supervise les derniers préparatifs. Il faut l'imaginer tout en mitouflé dans des fourrures qui pourraient le faire passer lui-même pour un Inuit. Il s'agit de l'amiral Robert Edwin Peary, un Américain de 52 ans. À ses côtés, son bras droit, un homme noir répondant au nom de Matthew Henson, ainsi que le capitaine du Roosevelt, Robert Bartlett. On charge de tout à bord, hein, des vêtements, des tentes, des réchauds, tout ce qu'il faut pour équiper, charger les traîneaux. Rien ne doit être oublié, car la mission qui se prépare est des plus périlleuses. Il est prévu qu'elle atteigne le pôle Nord, ce qui serait une première mondiale, que dis-je, une première pour l'humanité. Du reste, les moyens financiers utilisés ont été considérable. Pour Peary, conquérir le pôle Nord est le rêve de toute une vie. L'idée fixe d'atteindre le pôle était devenue une part tellement importante de mon existence que je ne pouvais plus me considérer que comme un instrument à gagner le pôle, écrira-t-il plus tard. Ça fait plus de 20 ans que Peary veut atteindre le pôle Nord. Il s'était engagé dans la marine de guerre américaine à 25 ans. Il a déjà tenté 8 expéditions dans l'Arctique. Peary a mis des mois à s'adapter le plus parfaitement possible au mode de vie des Esquimaux, comme on dit à l'époque. Il a appris à chasser à leur côté, notamment le bœuf musqué. Il s'habille comme eux. C'est peu dire qu'au cours de ses expéditions, il n'a pas été épargné. Dès la première, il s'est cassé une jambe. Lors d'une autre expédition, 8 de ses orteils gelés ont dû être amputés. Lors de l'expédition de 1905, Peary et les membres de l'équipe, venus à bout de leurs vivres, ont dû aller jusqu'à tuer leurs chiens pour les manger. Il écrit « Les blocs de glace allaient de la dimension d'un pavé à celle de la coupole du Capitole ». Comment, dans ces conditions extrêmes, n'avoir pas parfois cédé au découragement ? Peary écrit par exemple un soir où l'espoir l'a quitté « La représentation est terminée ». Le rêve de mes 16 dernières années est fini. J'ai combattu aussi longtemps que je pouvais. Je crois que ce fut un combat valeureux, mais je ne puis pas réussir l'impossible. Et pourtant, il s'en est sorti ce jour-là, une fois de plus. Il s'en est remis et puis il est reparti, serrant les dents un peu plus fort et chaque fois s'approchant un peu plus de son objectif. En 1905, il est ainsi monté jusqu'à 850 km du pôle Nord. Une paille. Les années passent, cette fois, Peary est bien décidé à aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de marche arrière, aucun droit à l'erreur. Les conditions climatiques étant plutôt clémentes, on s'organise au mieux durant l'été et l'automne en vue de préparer tout ce qu'il faut. On se pare contre l'hiver, ce terrible hiver qui attend Peary et ses hommes. Les Inuits abattent le gibier, le préparent, leurs épouses tannent les peaux, découpent les fourrures, etc. Je cite l'écrivain Roger Vercel. Eux savent raccorder leur kayak à leurs imperméables en peau de phoque, coudre la barque à l'homme pour les rendre insubmersibles. Ils confectionnent de précieux vêtements, vareuses en peau de renne, pantalons de peau d'ours qui, cousus entre eux, cousus aux bottes, ne laissent nulle part passer l'air glacé. Leurs igloos de glace et de neige sont de parfaits abris, dont les matériaux sont toujours à pied d'œuvre quand on dételle le traîneau. Ces traîneaux, ils savent les fabriquer avec des os de baleine et de renne qu'ils assemblent au moyen de lanières de cuir. Ils osent enfin y atteler les farouches chiens arctiques qui tiennent de l'hyène et du loup. Ils ne peuvent pas aboyer, ces chiens-là, seulement hurler. Les approvisionnements sont rassemblés au Cap Columbia, qui a été choisi comme base de la mission. C'est la terre la plus au nord du Groenland. On est seulement là à 769 kilomètres du pôle Nord. Et voilà que le 1er mars 1909, 25 hommes, dont 17 Inuits, sur 19 traîneaux et des traîneaux qui sont tirés par 133 chiens, quittent le Roosevelt pour prendre la direction du pôle. Perry note dans son carnet « J'ai les chiens, j'ai les hommes, j'ai l'expérience, la volonté est ferme. Le succès est dans la main de ce destin qui le donne à l'homme capable de demeurer fidèle à sa foi et à son rêve jusqu'au dernier soupir. Demeurer fidèle à sa foi et à son rêve jusqu'au dernier soupir. » Perry met en place, comme il l'a fait précédemment, la technique de progression en division et en avant-garde. Je cite Perry lui-même. « La division de Bartlett devait se tenir en avant-garde à une journée de marche du gros de l'expédition. J'avais résolu de rester en contact avec mon avant-garde pour qu'elle ne puisse se séparer de nous par la formation soudaine d'une brisure sans provisions suffisantes pour aller de l'avant ou attendre l'arrivée du groupe principal. » Cette avant-garde comprenait avec Bartlett trois Esquimaux, un traîneau et un attelage emportaient leur attirail et des provisions pour 5 jours. Vous voyez qu'on progresse par groupe et on se relaie d'une certaine manière, on rattrape les précédents qui eux-mêmes se repartent, etc. Les premières grosses difficultés commencent. Perry avance tête baissée dans ce vent absolument glacial et c'est à ce moment-là que lui paraît à l'horizon une ligne sombre, redoutée par les coureurs de pôle, un fleuve éphémère d'eau non gelée qui interrompt la banquise. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que l'eau gèle. Il va falloir patienter comme ça 5 jours avant de pouvoir reprendre la route. D'autre part, des traîneaux se brisent, des bidons de pétrole se mettent à fuir, obligeant les Esquimaux à aller chercher des réserves au Cap Columbia. Imaginez que Perry se dit que c'est pas possible, il va pas une fois de plus s'arrêter si près du but, si près du pôle, il est nerveux, déjà il prévoit le pire. Deux Inuits se disent malades, ils abandonnent la mission. Et si lui aussi était obligé d'abandonner ? Un extrait de la bande originale du film documentaire « La glace et le ciel » réalisé par Luc Jacquet. Restez avec nous, on retrouvera Franck Ferrand dans un instant. Aujourd'hui, nous allons à la conquête du pôle Nord. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, c'est un véritable voyage, une aventure que vous nous proposez, puisque vous nous racontez l'expédition de Robert Perry au pôle Nord en 1908 et 1909, il y a un peu plus de 110 ans. Donc jusqu'ici, personne n'avait atteint le pôle ? Alors non, bien sûr, hein, c'est un horizon qui paraît presque impossible. À l'époque, on s'était approché du pôle Nord, mais avant 1909, personne n'a pu l'atteindre. En 1596, une expédition néerlandaise menée par Willem Barents, hein, le fameux Barents, cette expédition qui cherchait une route vers la Chine avait atteint la latitude 79,49 degrés nord. 79,49 sur 90, je vous le rappelle, c'était quand même extraordinaire pour l'époque. Et par la suite, bien d'autres missions vont être entreprises qui toujours échoueront. Au XVIIIe siècle, Bougainville en prépare une, mais finalement son projet ne sera pas suivi des faits. Au cours du XIXe siècle, des expéditions britanniques se soldent par de cuisants échecs. Il faut attendre le 8 avril 1895 pour que des Norvégiens, qui s'appellent Nansen et Johansen, viennent quand même narguer le pôle Nord. Ils atteignent la latitude, tenez-vous bien, de 86 degrés 14 nord. Et puis donc Perry, en 1905, qui lui est allé à 87 degrés 6, je vous l'ai dit. Mais 87 degrés 6, ça ne fait, ouais, fait pas 90. Trois petits degrés de latitude, vous comprenez que l'explorateur se figure désormais la chose possible. Le 10 mars 1909, après avoir perdu d'interminables journées à attendre le gel de cette brisure, hein, de ce fleuve-là, il va donc reprendre la route. Sa caravane des neiges dépasse le 84e degré de latitude nord. Plus que 6 petits degrés à franchir, si je puis dire, pour atteindre l'inaccessible pôle. Ai-je besoin de vous dire que c'est le plus dur qui maintenant commence? La température descend tous les jours à moins 50 degrés Celsius. La banquise n'en est pas moins fragile par endroits. Craquements, grondements, il y a ces sifflements terribles et sinistres que connaissent bien les explorateurs des pôles et qui laissent présager des effondrements. Pourquoi pas même l'engloutissement de la file des traîneaux dans des eaux absolument glaciales, des eaux noires. En l'absence de convois de secours, la progression est maintenant aventureuse, il faut le dire. Mais Perry est prêt, s'il le faut, à brûler ses traîneaux pour survivre et même à manger du chien cru. Après tout, il l'a déjà fait, il le dit, il le clame, nous ne nous arrêterons pas. Il faut l'imaginer, Robert Perry, avec ses hommes, atteignant le 20 mars les 85 degrés 23. La moitié des traîneaux a été renvoyée. À ce moment-là, il ne reste plus que 12 hommes. 4 Américains, 8 Inuits, et puis des chiens qui sont là à bout de force, complètement amaigris, bien entendu. Vous imaginez les forces qu'ils ont dépensées dans cette progression. Le 28 mars, Perry atteint les 87 degrés 6 de latitude nord. C'est son fameux record de 1905, un record qu'il bat dans une bouffée d'émotion, il faut l'imaginer. Seulement passé cette zone, avec ses hommes, on peut dire que Perry entre dans une région géographique encore inconnue. Mais aucun être humain n'est jamais allé là. Ce n'est qu'un chaos de glace brisée, ressoudée, amoncelée au gré des mouvements de la banquise. Une atmosphère plus spectrale et plus inquiétante ne saurait être imaginée, nous dit Perry, fût-ce par Dante lui-même. Le ciel et la glace semblaient comme atténués, irréels. Ils ne savent même plus s'ils sont sur Terre. Et les voilà de nouveau bloqués par un fleuve éphémère, hein, cette eau non gelée. Perry décide de faire une halte sur les rives de ce fleuve. Seulement, la banquise risque de s'ouvrir au beau milieu du campement. Et du coup, les hommes, les chiens pourraient être emportés sur un plateau de glace. Perry s'en sort in extremis, même s'il lui faut 24 heures pour rassembler la poignée d'hommes qui lui reste et reprendre la route. Le degré 88 approche maintenant. Perry annonce à son second, donc à Bartlett, qu'il est temps de se séparer du gros de la troupe et de continuer seul. Bartlett et ses hommes vont donc faire demi-tour. Ils vont entamer la longue route impossible pour aller rejoindre là-bas le Roosevelt. Il ne reste plus que 130 kilomètres à parcourir. Avec Hanson, 4 Inuits, 5 traîneaux, 5 traîneaux qui sont tirés par 38 chiens, et ils ont avec 40 jours de vivre, Perry veut terminer sa route. Il exige qu'aucun Européen n'accède avant lui au but tant espéré. Et c'est l'ego qui parle là. Le temps est plus clément malgré les températures glaciales, les nombreuses brisures. Perry avance à l'allure rapide de 20 à 30 kilomètres par jour, avec une faim qui vous tenaille les viscères, avec une fatigue bien entendu qu'accuse le manque de sommeil. Il écrit... Un peu après minuit, le matin du 2 avril, après quelques heures d'un sommeil profond et réparateur et un solide déjeuner, je me mis en route pour le nord, laissant mes compagnons faire les paquets et l'arrimage avant de me suivre. En franchissant l'arête de pression derrière nos igloos, je resserrais ma ceinture d'un cran, le troisième depuis que j'avais quitté la terre, 32 jours plus tôt. Chaque homme, chaque chien était aussi maigre, avait le ventre aussi plat qu'une planche et aussi dur. 6 avril 1909, retenez cette date, à 10h du matin, Perry lève le bras, le convoi s'arrête, Hanson et les quatre Inuits se regardent incrédules. Est-ce que le pôle Nord serait atteint ? Perry utilise son sextant, il observe, il mesure, il calcule, il esquisse un sourire, on est à 89 degrés 57. Je laisse la parole à l'explorateur lui-même. Nous avions accompli les 5 jours de marche depuis le point où Bartlett s'en était retourné. Et d'après mon calcul, nous devions nous trouver dans le voisinage immédiat du but de tout mon désir. Nous commençâmes par établir notre campement. Vers midi, je fis notre première observation sur le méridien de Columbia. Elle donna 89 degrés 57. Le pôle était donc en vue, mais j'étais sans force pour faire les derniers pas. La fatigue amassée tous ces jours et ces nuits, ces marches sans sommeil avec des dangers et des craintes constamment m'accablèrent tout à coup. J'étais trop épuisé pour même comprendre que le but de ma vie était atteint. Robert Perry va pouvoir déplier le drapeau américain et le planter sur le pôle Nord. Des photographies sont prises, bien entendu. Il va falloir faire connaître la victoire maintenant, mais il va falloir des semaines pour rejoindre le gros de l'équipage, dans le meilleur des cas. Je cite encore Perry. Il n'y avait plus d'est, d'ouest, de nord, mais une seule direction, le sud. Partout le sud, chaque bouffée de vent était un vent du sud, d'où qu'il pût venir. D'ici, où nous nous tenions debout, un seul jour et une seule nuit formaient une année. 100 de ces jours et de ces nuits formaient un siècle. Si nous avions passé ici 6 mois de la nuit polaire, nous aurions vu toutes les étoiles de l'hémisphère nord décrire leurs orbes au ciel à la même distance permanente de l'horizon et l'étoile polaire, juste au zénith. Il va falloir trouver maintenant des moyens de transmission pour câbler au gouverneur de Terre-Neuve la nouvelle de cet exploit des exploits, nouvelle qui ne sera transmise au monde que 5 mois plus tard, le 6 septembre 1909. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et en ce vendredi, c'est un véritable exploit que vous nous faites revivre, celui de Robert Perry qui a conquis le pôle Nord. Il est arrivé à son but et c'est seulement 6 mois plus tard que le monde est au courant de cet exploit, Franck. Et oui, et Perry s'attend à devenir la gloire nationale. Mmh. Il ne peut pas se douter que quelques heures plus tôt, un autre homme a revendiqué avoir été le premier à aller au pôle Nord 1 an avant lui. Le 5 septembre 1909, la veille du jour où Perry fait connaître son exploit, un certain Frédéric Cook affirme avoir atteint le pôle Nord le 21 avril 1908. Quelle déception. Vous imaginez ça, 1 an avant Robert Perry. Mais alors, qui est-il ce Frédéric Cook ? C'est un explorateur américain lui aussi, vieille connaissance de Perry. Cook a fait partie d'ailleurs d'une expédition de Perry en tant que médecin. Il a même sauvé la vie à Perry lorsqu'il s'était cassé la jambe. Rappelez-vous, je vous avais raconté ça. Il est devenu président de l'Explorers Club de New York et il n'a jamais caché que lui aussi avait bien l'intention d'aller découvrir, d'aller conquérir le pôle Nord. Alors, on serait tenté de qualifier Cook d'imposteur. À Copenhague, il donne une conférence inspirée, certes, mais dépourvue d'éléments précis et chiffrés. C'est un très bon orateur, hein, faut vous dire, Cook. Où sont les éléments ? Dans des journaux de bord, seulement ces derniers ont été confiés à un riche américain chasseur de phoques qui s'appelle Harry Whitney. Et tant qu'il n'est pas rentré aux États-Unis, ce Whitney, impossible de consulter les carnets, raconte Cook. D'autre part, pourquoi avoir attendu 1 an et demi pour se manifester ? Ben, Cook déclare qu'il a été poussé à l'ouest par la dérive des glaces et qu'il a longtemps, très longtemps erré au retour dans l'archipel du Labrador. Son récit, le récit du docteur Cook est quand même intéressant. Le 15 mars 1908, après établissement de dépôt de vivres en prévision du retour, il est parti effectuer le voyage sur la banquise de l'océan Arctique, accompagné de 4, puis de 2 Inuits, de 2 traîneaux, de 26 chiens, vous voyez, donc c'est vraiment... il était lui aussi en très très petit équipage. Les obstacles qu'il évoque ressemblent énormément à ceux évoqués par Perry. Il les a surmontés lui aussi. Bon prince, Cook félicite certes Perry de son exploit, mais vous imaginez bien qu'une ombre plane désormais. Perry d'ailleurs n'a pas du tout une attitude fair-play, lui de son côté. Il câble à l'agence United Press, le récit de Cook ne devrait pas être pris trop au sérieux. Et dans un télégramme au New York Times, il affirme, il n'a pas été au pôle le 21 avril 1908 ou à aucun autre moment, il a simplement mystifié le public. Cook est le plus colossal menteur de l'histoire, dit Perry. C'est une guerre maintenant qui s'engage entre ces deux hommes. La presse va faire ses choux gras de cette affaire, vous l'imaginez bien. D'un côté se trouvent les péristes, de l'autre les cookistes. Et dans cette guerre, le docteur Cook part, c'est vrai, avec un certain nombre de handicaps. Il n'a pas de son côté les puissants soutiens de Perry, c'est-à-dire l'ancien président Theodore Roosevelt, la société Perry Arctic Club qui a financé les expéditions, la National Geographic Society en personne. Et puis, il y a les vieux dossiers qui ressortent. Cook affirme avoir vaincu les 6194 mètres du mont McKinley en Alaska en 1906. Photo à l'appui. Sauf que le cliché a été identifié comme pris sur une autre montagne. Aïe, aïe, aïe. Et la boîte métallique que Cook prétend avoir utilisée au sommet de la montagne et contenant un message n'a jamais été retrouvée. Cook veut bien fournir les preuves de son exploit, confié à Harry Whitney, enfin rentré aux États-Unis, vous savez. Seulement, Whitney est rentré à bord du Roosevelt, le navire de Perry. Et Perry a refusé l'embarquement de la caisse de Whitney, caisse qui a été confiée à Whitney par le docteur Cook. En clair, les documents qui prouveraient que Cook est le premier à avoir atteint le pôle Nord sont probablement au fin fond d'un fjord gelé où Perry s'est chargé de les abandonner pour qu'on ne les retrouve jamais. La preuve sera plus tard apportée qu'avant de refuser d'embarquer sur le Roosevelt la caisse de documents appartenant à son concurrent, Robert Perry est allé jusqu'à l'ouvrir, il y a trouvé des relevés d'observation, il y a même décacheté un courrier privé adressé à Madame Cook. Vous voyez quand même que cette affaire est bien embêtante, il faut le dire. L'affaire est si importante que Perry demande à comparaître devant la sous-commission aux affaires navales du Congrès pour se voir reconnaître officiellement comme le découvreur du pôle Nord. Il apporte le journal de son expédition, mais les membres de la sous-commission sont étonnés de voir qu'il manque beaucoup de choses. Dans Arctique, l'histoire secrète, le livre qui nous réunit aujourd'hui, Dominique Lebrun dit « Ce n'est qu'avec 4 voix pour et 3 contre qu'une motion rendant hommage à Perry fut approuvée par la sous-commission des affaires navales. La minorité tenant de surcroît à faire enregistrer ses sérieux doutes. Après un passage favorable à la Chambre des représentants et au Sénat, cette motion fut signée par le président Taft qui biffa personnellement le mot « découverte » pour le remplacer par une expression plus prudente « exploration de l'Arctique » aboutissant à avoir atteint le pôle Nord. » C'est vous dire que le doute subsiste. Bonjour Dominique Lebrun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qui a découvert le pôle Nord? Est-ce que c'est Perry ou est-ce que c'est Cook selon vous? Je peux affirmer que Perry n'y a certainement pas été. Cook, en revanche, n'y a aucun document. Mais ce qui me laisse dire qu'il y a peut-être été, c'est que des gens comme Amundsen, qui sait de quoi il parle, bien sûr, oui, et d'autres explorateurs de l'époque, se sont dit qu'il n'était pas impossible du tout qu'il y ait été. Alors, par conséquent, je dirais qu'il est certain que Perry n'y a pas été. Quant à Cook, il y a des chances qu'il n'y ait pas été tout à fait non plus. Mais comment avec savez-vous tout ce que Franck vient que nous raconter. Perry n'y est pas allé, oui. Parce que Franck, il y a une chose que vous n'avez pas racontée. Ah. Mais je vous laisse le soin de le faire. Avec plaisir, je suis très content que vous n'ayez pas dit, parce que voilà ce qui s'est passé. On sait donc que le 1er avril, l'échelon final de l'expédition... Donc ça ne s'invente pas, un 1er avril. Oui. Un 1er avril, ça ne s'invente pas. L'échelon final, donc, Perry et Hanson et des Inuits laissent l'équipe de base rentrer au navire et vont au pôle. Avec Bartlett. Hein. Voilà, Bartlett fait demi-tour. Bartlett va arriver au Roosevelt le 24 avril, soit 23 jours plus tard. Mmh. Entre-temps, que se passe-t-il? Perry est supposé atteindre le pôle. Oui. Il y arrive le 6 avril. Il y reste 48 heures. Donc il repart le 9 avril. Or, savez-vous quand il retrouve le Roosevelt? 48 heures après. Impossible. Bah, c'est pas 24 jours, ça. Ça ne le fait plus. Et oui. C'est-à-dire que non seulement il a parcouru 500 km de plus que son équipe de soutien, mais pour il remonter va remonter là-haut jusqu'au pôle, mais ensuite, en il lui faudrait 3 semaines pour redescendre au bas mot. Or, il arrive à toute vitesse. Le problème de Perry, c'est qu'il ignore totalement ce qui se passe. Il n'y a aucune communication entre eux. Et s'il avait su, il serait sans doute resté attendre un peu avant de retrouver le Roosevelt. Il ne s'attendait pas à ce que le chemin soit si long. Voilà. Donc, ne serait-ce que cela prouve qu'il n'a pas pu aller au pôle, sauf si le point auquel Bartlett est rentré n'était pas celui que l'on pense. Oui, mais enfin ça, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, d'autant plus qu'il y avait plusieurs officiers de marine à faire le point à ce moment-là. Donc, en revanche, Perry ait fait un mauvais point. Et ça, de ce côté-là, Cook, dans son récit, a des précisions diaboliques sur les difficultés de faire un point en latitude au pôle. Alors, nous allons revenir sur l'exploit manqué de Perry et sur l'exploit possible de Cook dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pleine de mystères et de voyages hein, aujourd'hui, puisque vous nous racontez, Franck Ferrand, la conquête du pôle Nord de Perry, hein, que l'on a vécu avec vous, mais qui finalement n'y serait pas allé. Et c'est Dominique Lebrun, votre invité, qui nous raconte tout cela. Il est écrivain de marine, spécialiste de l'exploration maritime et auteur d'Arctique, l'histoire secrète, paru chez Omnibus il y a quelques jours. Oui, pour ceux qui nous rejoindraient un peu tard, je précise que Dominique Lebrun vient de nous dire tout clairement que Perry n'avait pas découvert le pôle Nord. C'est impossible pour des raisons de date, hein, de calendrier. En fait, il a mis trop peu de temps à rejoindre son second Bartlett sur le navire qui s'appelait le Roosevelt. C'est exactement ça, et il y a d'autres éléments plus techniques, ceux-là, qui ont choqué tous les connaisseurs du pôle. C'est que, en dehors des ruptures dans la création de chenaux dans la glace, Perry oublie une chose en permanence, qui est la dérive de la banquise. Et oui. Il fait comme si elle n'existait pas. Or, elle existe. Il se déplace continuellement de façon latérale par rapport à sa route. Elle tourne. Ça n'apparaît nulle part. On a même du mal à comprendre comment un technicien comme lui, il est ingénieur de formation, officier de marine, peut estimer que le grand public, voire des spécialistes, ne vont pas comprendre qu'il y a quelque part une imposture. Mais alors ça veut dire que Perry aurait donc purement et simplement décidé de faire croire qu'il était allé au pôle. Mais pour lui, pour son propre, pour l'image qu'il a de lui-même, c'est affreux ça. Cet homme a couru après le pôle toute sa vie et au moment où il est à quelques dizaines de kilomètres, il fait demi-tour. C'est quand même étrange. Pourquoi a-t-il fait demi-tour d'après vous ? Alors d'abord, il y a un autre témoignage, celui de Hanson. Mm-hmm. Hanson serait arrivé au pôle. Hanson qui est son bras droit. Hein. Absolument, bien avant. Hanson qui savait aussi faire un relevé astronomique, pas les calculs, mais qu'importe, mais il semble que Hanson soit arrivé avant lui, tout simplement parce que Hanson était l'éclaireur. Une autre chose qu'on ne dit pas, mais soit arrivé où si Perry n'est jamais allé au pôle, quelque part là-haut. précisons encore autre chose quand même, c'est que Perry, vous l'avez raconté, il a perdu 8 orteils. Il se fait transporter sur le traîneau. Il n'est pas capable de faire plus de quelques pas dans la neige et sur la glace. Donc 5 jours de marche, c'est impossible. C'est impossible. Mmh. Il se fait transporter par le traîneau. Or, dans ces reliefs terribles, ces accumulations de glace, on n'avance pas. On n'avance pas. On monte, c'est on un descend. Paysage lunaire. C'est même pire que ça. Hein. C'est un paysage d'apocalypse. C'est l'apocalypse. C'est comme après un tremblement de terre, sauf que c'est de la glace. De ce côté-là, en revanche, et vous l'avez précisé, Cook décrit le pôle comme Perry. Et vous nous dites que si l'on est certain que Perry n'a pas atteint le fameux pôle Nord, malgré la belle description qu'il nous fait en disant « Où que je regarde, je vois partout le Sud », en gros, en revanche, il est possible que Cook, lui, un an plus tôt, l'ait atteint. Tout à fait. On peut comparer l'expédition de Cook au fameux raid de Nansen sur la banquise, qui était une expédition encore plus légère. Expédition norvégienne. Voilà, et il en est rentré. Donc ça ne pose pas un vrai problème. Les véritables raisons de ce gros hiatus, elles sont d'ordre financier et politique, hein, bien sûr. Je vous fais une petite comparaison entre les deux personnes, si vous voulez. D'un côté, on a Cook, qui est soutenu par le New York Herald, Le New York Herald, c'est le journal de Bennett, l'homme de Stanley Livingstone, l'homme des coups de presse. Ce n'est pas rien. Si Bennett fait confiance à Cook, il a de bonnes raisons. En face, on a le New York Times. L'institution des institutions. L'institution des institutions. Maintenant, d'un autre côté, on a Cook soutenu par l'Explorers Club, qui, en dehors d'être un club d'explorateurs, entre guillemets, est une puissance politique notable. En face, on a effectivement un poulain, entre guillemets, du président Roosevelt. Et puis surtout, il y a une question de gros sous. D'une part, on a le Perry Arctic Club, qui fait depuis le début des gros trafics de pelleteries, de richesses esquimaudes, etc., beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en face, on a aussi quand même les capitaux à la fois de l'Explorer Club et du journal du New York Herald. Reprenons côté Perry maintenant la raison pour laquelle il faut officiellement qu'il ait atteint le pôle. On a donc son bateau qui s'appelle Roosevelt, financé par Roosevelt ou sur des fonds publics, ça on n'arrive pas trop à le savoir. Mais plus compliqué, on a le National Geographic. La National Geographic Society qui a remis une médaille à Perry pour sa dernière approche du pôle, qui lui a versé des fonds pour le soutenir. Si donc Perry n'y a pas été, c'est un vrai scandale. Et voilà, il fallait quand même justifier ces investissements colossaux, en fait. Il faut le justifier. Alors là où ça se complique, c'est que Perry dit les seuls qui puissent juger, c'est la National Geographic Society. Ouais. On crée une commission de gens absolument favorables qui disent... Ils sont jugés partis, disons. Oui, et c'est là où Perry se plante. Qui disent qu'il a été, mais à une voix de majorité seulement. Non. Pas à ce moment-là. Non. Cette commission de National Geographic, elle est absolument certaine. Univoque. À l'unanimité, univoque, il y a été. Et c'est là où Perry se prend la grosse tête, si j'ose dire, et demande à ce que son exploit soit validé par la sous-commission navale. Il aurait dû s'en tenir là, en fait. Et là où le plantage se fait, c'est un sénateur, qui est donc du Nord Dakota, qui pose une question qui tue. Comment se fait-il que vous, qui vous nourrissiez uniquement de pémican, je rappelle que le pémican, c'est de la graisse dans laquelle on glisse des morceaux de viande, des fruits secs, etc. C'est quelque chose d'épouvantablement gras. Comment votre carnet peut-il être si propre alors que vous ne vous nourrissiez que de pémican? D'autres questions du même acabit lui sont posées, comme la dérive des glaces, etc. Et Perry n'y répond pas. D'où ce vote, 4 voix pour l'establishment, dirons-nous, et puis 3 voix contre qui disent « Et précisez bien que nous avons les plus grandes réserves ». Et les réserves vont être maintenues par le président lui-même, qui modifiera de sa propre main. Le président des États-Unis qui enlève le mot découverte, en fait. Pour le remplacer par ce périphrase, qui veut dire qu'il est vraisemblable et tout à fait possible que quelqu'un d'autre y soit arrivé avant ou en même temps. Donc, d'après vous, c'est possible que Cook y soit allé, lui. Comment se fait-il qu'on ait perdu les documents en question? Alors, Whitney les confie, c'était aberrant. Non. Lui-même les remet à Whitney, qui les confie à Perry. Il y a une raison technique à ça. Cook doit redescendre chercher un bateau qui le ramènera au Danemark. On est sur la côte nord-ouest du Groenland. Ce voyage se fait au printemps. Il est dangereux. Cook n'a qu'une angoisse, c'est que la caisse dans laquelle il transporte ses instruments de navigation, ses documents, soit perdue. Il la confie donc à ce chasseur, ce milliardaire américain, en lui disant... Belle Whitney. Whitney, vous le ramènerez. Whitney voit arriver plus tard le bateau de Perry. Il a besoin de rentrer, de Roosevelt. Et en fait, ce qui va se négocier, c'est vous laissez la caisse à terre et vous embarquez. Oh là là là là. Et la caisse, semble-t-il, effectivement... Il ne sait pas que cette caisse est si importante pour Cook. Et précisément, elle est précieuse. Oui, mais comment dire... On dit que Perry lui-même l'aurait ouverte, la caisse en question. C'est à peu près certain qu'il l'a détruite. On sait où elle a été cachée. Jean Mallory, le grand Mallory, plus tard, a été dans l'endroit qui est une espèce d'éboulis où elle pourrait se trouver. Malheureusement, il n'a rien trouvé. Ce serait formidable qu'on puisse un jour remettre la main sur la caisse en question et rendre à Cook sa victoire, si je puis dire. Et par ailleurs, il serait bon de traduire en français le récit de Cook, qui n'existe qu'en américain, avec des tas de précisions sur la navigation astronomique, qui mettent en évidence le fait que Cook a vécu toutes les difficultés de cette navigation alors que Perry n'en parle pas. Mais ça pourrait être l'objet d'un livre de votre part, ça, Dominique Lebrun, vous tout pourriez. C'est possible, c'est possible. publiez-le, le journal de Cook, qui d'ailleurs s'est montré dans cette affaire bon prince, tout à fait fair play par rapport à Perry. Tout à fait. Cook est un homme, c'est un homme d'une grande qualité. C'est un ami de Amundsen. Vous savez qu'ils ont été ensemble au Pôle Sud. On va parler d'Amundsen tout à l'heure, bien dans sûr. Dans l'expédition de Gerlache, où à eux deux ont sauvé l'expédition. Cook, effectivement, a sauvé la vie de Perry. Mais chose terrible, National Geographic, dans tous ses récits, gomme complètement l'existence de Cook et prétend que c'est l'épouse de Perry qui a sauvé la vie à son mari. D'accord. Alors qu'elle-même, dans ses mémoires, raconte que c'est Cook. Donc on est vraiment, une fois de plus, dans un cas d'imposture collective, en fait, pour essayer de défendre l'honneur de la société, en gros, c'est ça ? C'est et les investissements qui ont été faits. La toute jeune société américaine aussi. Ouais. C'est aussi le pays de la dernière frontière, le pays de l'exploit, le pays du bon et du méchant. Il faut qu'il y ait un bon et un méchant. Et avec l'affaire du McKinley, effectivement, Cook est très très mal placé pour être le bon. Alors dans un instant, nous allons revenir sur tous ceux qui les avaient précédés. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour ce vendredi qui, pour certains, est un jour de pont, nous vous proposons une émission passionnante autour de la conquête du pôle Nord. Avec Dominique Lebrun, votre invité, Franck Ferrand, il est écrivain de marine, spécialiste de l'exploration maritime. Alors, on a vu l'histoire de Perry et de Cook, qui a réellement découvert le pôle Nord. Ça, c'est toujours en suspens, certainement Cook, d'après Dominique Lebrun. Mais il y en a eu d'autres avant, Franck. Mais oui, bien sûr, c'est une longue histoire de Pythéas à Poutine, un combat de 2500 ans, dit le sous-titre de cet ouvrage, donc chez Omnibus, Arctique, l'histoire secrète. Ce qu'il faut dire, Dominique Lebrun, c'est que vous aviez publié l'année dernière un livre sur l'Antarctique, qui s'appelait Le continent qui rendait fou. Vous étiez venu nous parler de l'Antarctique. Absolument, qui rendait fou, et donc le Nord, c'est un peu pareil. Vous êtes dit, ayant fait le pôle Sud, il faut absolument que je revienne au pôle Nord, dont l'histoire est d'ailleurs infiniment riche, car il y en a des choses à dire sur le pôle Nord. Alors, non seulement l'histoire est infiniment riche, mais elle était racontée toujours de la même façon. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas écrit sur la découverte de l'Arctique, alors que l'on sait beaucoup de choses qu'on ignorait, ça fait encore 20 ou 30 ans. C'est vrai que c'est une histoire qui est quasiment antique. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu monter là-haut, on a grimpé dans le Groenland, si je puis dire. Pythéas, 300 ans avant Jésus-Christ. Incroyable. Qui voulait aller voir si, par le calcul, il avait déterminé qu'il existait un lieu de la Terre où, en été, il y avait le jour permanent et en hiver, la nuit complète. Et je pense qu'il voulait aller vérifier par lui-même ce qu'il avait dit. On a cru longtemps qu'il n'y avait pas été en se disant « Mais comment est-ce qu'une galère grecque pourrait bien monter là-haut ?» Sauf que en 1968, dans le nord de Chypre, on tombe sur l'épave d'un navire marchand grec de la même époque. Incroyable. Et on découvre que ces bateaux étaient extraordinairement modernes, très très bien construits et étaient tout à fait capables de monter là-haut. Une reproduction a été faite, on connaît donc les vitesses que peuvent tenir ces bateaux, les conditions dans lesquelles ils peuvent naviguer, et depuis, il est à peu près certain qu'effectivement, Pythéas a vu les débuts de la banquise. Et les Vikings, après lui ? Alors les Vikings, eux, ne cherchaient pas à aller vers le nord, mais vers l'ouest. Mais comme ils partaient déjà de très très haut, ça aboutit à les amener au Labrador, effectivement. Oui, voilà. Jules de Blosseville, racontez-nous cet explorateur, si l'on veut dire. Alors, Blosseville, c'est une histoire terrible parce que il a été oublié. Blosseville était chargé de la surveillance des pêches en Islande et avait demandé l'autorisation de traverser le détroit du Danemark pour aller faire quelques repérages du côté du Groenland. Il y a été et pas de chance, il a été pris sans doute par un coup de vent, son bateau était mal adapté, il a fait naufrage, mais entre-temps, il avait eu le temps de faire des tas de repérages, ce qui fait qu'une partie de la côte du Groenland s'appelle la terre de Blosseville. Eh oui, c'est beau comme ah, c'est histoire, merveilleux. Ça. Les Français ont été quand même assez présents dans cette aventure nordique. Présents mais oubliés. Et ça, c'est peut-être encore une chose que je vais essayer de réparer dans les temps qui viennent. Ah oui, mais c'est ça. Je pense notamment à Joseph-René Bello. Ben, bien sûr. Alors, Joseph-René Bello, officier de marine français, jeune officier de marine, qui a son monument à Londres. On est à quelle époque, là ? Ah, là, nous sommes en 1850. Mm-hmm. Alors, l'histoire est la suivante. On n'en a pas parlé. Donc, l'expédition Franklin se perd en cherchant le passage du Nord-Ouest. On imagine à l'époque, on en reparlera tout à l'heure, qu'il a pu se perdre dans la mer libre du pôle. C'est-à-dire franchir le passage de banquise qui donne accès à la mer absolument libre de glace qui couvre le pôle Nord et qui n'arrive pas à en ressortir. C'est-à-dire qu'à l'endroit précis du pôle Nord, on est dans l'eau. Une zone qui ferait, on dirait, 150 km autour du pôle. Ah oui. Dans le mythe. Il y a un petit trou, si on peut dire. Là-haut. Il y aura un petit trou. Et donc Bello, qui est un officier de marine sans embarquement, se porte volontaire pour participer aux recherches sur un bateau anglais. Il embarque comme second. Il va faire deux campagnes, mourir lors de la seconde campagne, tout bêtement en étant emporté par un glaçon au large et en tombant à l'eau. Et la marine anglaise va lui rendre hommage en lui dressant une colonne dans le Old Naval College à Greenwich. Quand même un comble que ce soit les Anglais qui rendent hommage à notre officier de marine français. Ils ont fait mieux que ça. Lorsque le bateau naviguait, ils portaient l'un à côté de l'autre, je dis bien à côté de l'autre, pas là au-dessus de l'autre, les pavillons français et britanniques. Bravo. Belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. J'ai parlé de Barents tout à l'heure, qui joue quand même un rôle important, lui. Alors. Mais alors, encore la France. Ah puisque bon les capitaux, c'était parents. C'était des capitaux français. Et on ne parle pas non plus de Melchior et Balthazar de Moucheron, qui furent les premiers à établir des comptoirs sur les estuaires de la Dwina, dans la Grande Russie. Et donc, en fait, vous nous dites que, d'une certaine manière, cette conquête des pôles, que l'on attribue généralement aux Norvégiens et surtout aux Anglo-Saxons, est une affaire qui est au moins autant française, finalement. Hein. Dans tous ses débuts, oui, absolument. Ah, oui. Absolument. Et qu'est-ce qu'on allait chercher là-haut, nous? Qu'est-ce que les gens vont chercher au pôle Nord? Un absolu, peut-être? Oh non, l'absolu, l'esprit d'aventure n'a jamais suffi à mener des aventures aussi pointues et coûteuses que celles-là. Oui. Non, ce sont toujours des raisons non pas militaires, mais potentiellement commerciales. C'est-à-dire qu'il faut trouver des routes pour passer... Trouver une nouvelle route. L'idée de base était de trouver une nouvelle route vers la Chine. La route vers la Chine, à l'époque, consistait à faire le tour de l'Afrique, qui était très long et compliqué et dangereux du fait de la mousson dans l'océan Indien. S'il était possible de passer par le Nord, on aurait été beaucoup plus vite. Ce qui amène Bougainville, d'ailleurs, après son fameux tour du monde, et sur les connaissances scientifiques de l'époque, validées par Buffon lui-même, de se dire, il existe une mer libre au pôle, allons en Chine, en passant par le pôle Nord. Les Norvégiens ont joué un rôle important là-dedans, hein, quand même, alors. Ah, totalement, puisque donc Amundsen sera le premier à réussir le passage du Nord-Ouest. Alors, précisons que lorsque Amundsen va chercher le passage du Nord-Ouest, là, c'est une véritable aventure scientifique. Mm-hmm. D'un point de vue commercial... Désintéressé, quasiment. Il s'agit... Pour autant que la science puisse l'être. Voilà. Il s'agit d'étudier le magnétisme polaire, et c'est très important, le magnétisme polaire, puisque vous savez que le pôle Nord magnétique se déplace sans cesse, et que la différence de position entre les deux pôles font que la lecture du Nord sur la carte et sur la boussole qu'on utilise sur un navire, le compas de route, n'est pas le même. Les différences en degrés peuvent atteindre 15-20 degrés. Donc connaître ces chiffres est capital pour la navigation. Oui. Et donc Amundsen part pour faire des études et en même temps franchir le fameux passage. Ce Amundsen, c'est votre héros, vous. Hein. Vous en parliez beaucoup, évidemment, au pôle Sud et pour cause, mais il a joué un rôle très important en Arctique aussi. C'est un personnage, pour moi, fabuleux, qui ne devait pas être très drôle à vivre, d'ailleurs. C'est un psychorigide épouvantable. Quand on a les photos, je trouve que c'est un des plus beaux portraits qu'on puisse avoir. Hein. Cet homme était très photogénique. Ah, hein. C'est un menhir qu'on a tenu. Un menhir. Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est que dès tout petit, il décide qu'il sera explorateur polaire et s'entraîne en permanence pour ça. Il devient marin pour ne pas avoir besoin de dépendre d'un capitaine. Il passe ses diplômes. Il est extraordinaire. Ah oui. C'est un homme d'une envergure absolument hors du commun. Tout à fait. Et on oublie, le pôle Sud, de son point de vue, a un peu éclipsé le pôle Nord, d'une certaine manière. Oui, alors, pour parler du pôle Sud et d'Amundsen maintenant, je suis scandalisé. Quand je dis scandalisé, je le pense vraiment par la façon dont les Britanniques et d'une certaine façon les Français ont accueilli l'exploit d'Amundsen. Amundsen au pôle Sud, il y a été, comme on dirait vulgairement, les doigts dans le nez. Pour quelle raison? Parce qu'il a préparé son voyage d'une façon extraordinairement précise, qu'il a pris le temps de faire tous les repérages. C'était des skieurs hors pair qui savaient mener des attelages de chiens de traîneau de façon efficace. Ils avaient calculé combien de bêtes ils devaient tuer pour nourrir les autres. On lui reproche beaucoup à Amundsen, ça. Mais c'est un anachronisme de le reprocher. À l'époque, on fonctionnait comme ça. Ce qui fait que quand on lit le récit du pôle Sud par Amundsen, on croit lire un récit de randonnée. Tellement tout se passe simplement alors qu'ils sont passés par l'enfer. Pour revenir au pôle Nord, quelles sont les avancées scientifiques que l'on doit aux travaux d'Amundsen et à l'expédition qu'il a menée là? comme je l'expliquais tout à l'heure, les travaux sur le magnétisme polaire, en fait, essentiellement. Mmh. Par ailleurs, on peut dire que c'est le premier à avoir vécu longuement avec des Inuits ces deux hivernages. Et ça, c'est très important. Découverte d'un peuple, là. On peut dire découverte d'un peuple. Il ne s'est jamais prétendu ni ethnologue ni ethnographe, mais le travail qu'il a fait, notamment les collections qu'il a ramenées, qu'il a négociées, de façon plus honnête que Perry, d'ailleurs. Votre ami Perry, nous l'avons compris. Non, vraiment, je ne l'aime pas et j'ai plein de raisons de ne pas l'aimer, en plus que je ne dirai pas. Oui. Ah bon, mais je laisse Mallory, qui l'a parfaitement développé dans ses ouvrages. Au-delà de Perry et de Cook, donc, on a l'impression que c'est terminé. 1909, ça y est, on a vaincu le pôle. Mais non, il s'est passé encore bien des choses au pôle Nord depuis lors. Alors, la question du pôle Nord est résolue, d'une certaine façon, puisque ceux qui, les premiers, véritablement iront au pôle, c'est Amundsen, pôle Nord, je dis bien, c'est Amundsen et Nobil, avec le fameux dirigeable Nork, qui est donc financé par des Américains. Le dirigeable, lui, est de fabrication italienne. Et là, on a une histoire politique extraordinaire qui est, la région du pôle Nord, champ de bataille entre les idées des démocraties d'un côté, le fascisme de l'autre, et le bloc soviétique, le bloc de l'Est en face. Oui. Alors ça va aboutir à des aventures tout à fait étonnantes, comme celle du dirigeable italien. Mm-hmm. Donc, reprenons le Nord. Passionnante histoire qui ferait l'objet d'une belle émission, tiens, d'ailleurs. Absolument. Mm. Reprenons l'histoire. Lorsque le dirigeable Nork arrive aux États-Unis, en Alaska, Nobil, l'Italien, est furieux. On lui a enlevé la vedette. Et il décide de retourner tout seul, faire un grand vol, mais il va faire naufrage. Enfin, naufrage pour un dirigeable, ça veut dire se cracher sur la banquise. Amundsen, au courant, vient à son secours. Pas de chance, il embarque sur un hydravion français, pas prévu pour les vols polaires. Ils disparaissent, ils font naufrage, et donc Amundsen va mourir en partant au secours de Nobil. Eh oui. C'est grand. Oui, ça lui convient d'une certaine tout manière, à fait, ça lui correspond en tout cas. Tout à fait. On pourrait parler de toute la géopolitique, votre sous-titre c'est de Pythéas, ça on a compris, à Poutine. C'est que ce pôle Nord continue à être un enjeu majeur aujourd'hui. On parle toujours du pôle Sud, mais le pôle Nord est essentiel bien sûr. Capital, et là encore je vais parler de la France. C'est le point de jonction de toutes les grandes puissances, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est là où tout se réunit. Mais oui. C'est là où tout se réunit. Vous regardez un globe terrestre mais par le Nord, vous avez sur les 360 degrés, 160 qui dépendent de la Russie, et puis le reste se partage entre le Canada, les États-Unis grâce à l'Alaska, le Danemark à cause du Groenland, mm-hmm. et puis la Norvège. Et oui, donc l'Europe qui est là aussi aux portes. Et l'Europe est donc là aux portes. Mm. Alors aujourd'hui, on a une exploitation de gaz à Yamal, faite par les Russes, les Chinois et la France du groupe Total. Le premier méthanier brise-glace s'appelle Christophe de Margerie. Extraordinaire. Arctique, l'histoire secrète de Dominique Lebrun. Voyez tout ce que ça vous réserve comme surprise et comme émotion. C'est édité chez Omnibus. Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Europe 1. Et en cette veille de week-end, tous les vendredis, vous nous proposez un coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un livre qui vous a beaucoup plu, Franck. Ah oui, vous savez, les livres d'entretien sont parfois rapides ou inaboutis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas de celui dont j'aimerais vous parler cet après-midi. Le baiser et la morsure, issu des entretiens entre le célèbre écrivain algérien Yasmina Kadra et la journaliste Catherine Lalanne, la rédactrice en chef à Pèlerin. Yasmina Kadra, vous êtes très nombreux à le savoir, parce que ses lecteurs se comptent par centaines de milliers, on doit pouvoir dire par millions c'est maintenant. Yasmina Kadra, c'est le pseudonyme de Mohamed Moulessoul, qui est le nom, Yasmina Kadra, c'est un nom de plume qui est formé des deux prénoms de son épouse en fait. Hein. Son père était, il a souvent eu l'occasion de raconter ça, mais toujours de manière un peu superficielle, un peu allusive. Son père, officier de la LN, gravement blessé au combat, qui l'envoie à l'école des cadets de la révolution algérienne à Tlemcen, alors qu'il n'a que 9 ans le gamin, donc vraiment ce qu'on appelle un enfant de troupe, et c'est ce qui va finir par faire de lui un officier de l'armée algérienne qui servira jusqu'en l'an 2000. On sait à quel point Mohamed Moulesseoul a joué sa part dans les combats contre le FIS, contre le GIA, etc., là, dans les années 1990. Alors, il est, depuis l'an 2000, écrivain à plein temps. Ça fait donc une vingtaine d'années maintenant. Il est traduit dans le monde entier. Yasmina Kadra, il a publié des ouvrages à grand succès, dont le plus connu sans doute est « Ce que le jour doit à la nuit » en 2008, qui a été élu meilleur livre de l'année par le magazine Lire. Ce que nous révèlent ces entretiens avec la journaliste de Pellerin, elle-même d'origine algérienne d'ailleurs, mais née française d'Algérie, je dis ce que nous révèle, le verbe révéler n'est peut-être pas le meilleur, donner à voir serait mieux, ou faire sentir. Ce que nous disent ces entretiens, c'est la secrète alchimie dans l'enfance qui va faire naître cette vocation magnifique dans une existence dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est difficile. Il y est question du rapport au père, forcément, mais aussi de la Méditerranée, de l'islam, des femmes, etc. C'est un beau livre. Il aura fallu à Catherine Lalanne une grande finesse d'approche, de délicatesse, d'empathie pour que naisse ce texte juste et fort, aussi profond que libre et pudique aussi. Le baiser et la morsure, à ne pas confondre avec la pièce du même titre de Guillaume Béguin, le baiser et la morsure nous donnent le sentiment d'avoir assisté sans indiscrétion, et c'est important de le souligner, à l'une de ces conversations pleines, vous savez, ces conversations qui, à certains moments essentiels de la vie, peuvent réussir à infléchir un destin. Et bien voilà, Anissa, merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain. Demain, samedi, effectivement, au cœur de l'histoire, c'est 7 jours sur 7 sur Europe 1. Demain, vous nous parlerez des faux messies et dimanche de Madame de Caylus.